currently there? Oh, yes, ma'am. He isn't. Do you know when he'll be home? No idea. Okay, thanks a lot. Bye-bye. 呼吸をしてください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. Hello. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, bienvenue dans le Beau Bizarre avec Fabrice et ce soir Alex qui est derrière les platines, plutôt derrière la table. L'émission de ce soir, elle va être consacrée à la musique de film, un thème assez banal, mais on va essayer de le rendre un peu plus original que prévu. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite, à moins que Fabrice ait une petite présentation à nous faire. Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, les bandes originales de films, on a tendance à penser que c'est des compilations de morceaux qui existent déjà, comme sait très bien le faire Tarantino, par exemple, pour ses films. Oui. Et évidemment, ça va bien, bien au-delà, puisque afin de servir une ambiance, les musiciens à qui on commande des bandes originales sont parfois obligés d'aller dans leur retranchement et de s'essayer d'expérimenter des choses et de livrer le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense qu'on aura l'occasion à plusieurs reprises ce soir d'écouter des choses intéressantes de ce point de vue-là. Ouais, et on va commencer tout de suite avec Mulatu Astatke et le morceau Yegele Tetzeta qui se trouve dans le film Broken Flowers de Jim Jarmusch qui était sorti en 2005. C'est grâce à ce film que le nom de Mulatu Astatke sortait enfin du cercle restreint des aficionados de la musique éthiopienne. Et à 65 ans passés, le père de l'Ethio Jazz trouvait alors un nouveau public prêt à goûter le rythme atypique de sa musique. Voici Mulatu Astatke. Ouais, j'ai pas trouvé le film. Alors moi non plus. Tabla in Suburbia, c'est tiré d'un film américain qui s'appelait Suburbia. Je connais pas. Et alors voilà, qui est le groupe? Un petit indice, on l'a écouté la semaine dernière. On l'a déjà écouté la semaine dernière. Il faut pas se laisser avoir par les tablas qui sont assez inhabituels dans cette formation, mais plutôt être sensible au côté brutiste. Sonic Youth. Sonic Youth. Ok. Tout à fait. Sonic Youth dans cette bande son. Qui était un catalogue de musique cool hein, pour ce film qui n'était pas très intéressant. On retrouvait Beck sur la bande-son. Et on retrouvait aussi Bossog, une excellente reprise qu'on vous fera peut-être écouter un jour de I'm Not Like Everybody Else des Kinks. Ok, Bossog, c'est un rapport avec John Spencer. Oui, c'est Christina Martinez, ouais, la formation de sa femme, dans laquelle John Spencer officie aussi d'ailleurs. On vous le passera un de ces quatre. Ah bah de Boss Hogg à Barry Adamson. Oui. Oui, tout à fait. Alors Barry Adamson, ça s'imposait un peu. Voilà le type de personnes qui ont des démarches un petit peu originales par rapport aux musiques de films, puisque lui, c'est son truc, c'est de faire des bandes son de films qui n'existent pas. Donc là, on va écouter un de ses premiers travaux dans le genre. Ça date de 1989 et de son album Moss Side Story. Le titre s'intitule On the Wrong Side of Relaxation. Et alors, on peut lire un peu partout que il fait des bandes son imaginaires et qu'il invente lui-même les dialogues, etc. Notamment dans The Man with Golden Arms, je crois, L'Homme au bras d'or, qui est un film de Otto Preminger qu'il a effectivement inspiré. Oui, mais alors. Il semblerait que, enfin moi j'ai lu ça à plusieurs reprises, que en fait les ambiances étaient complètement imaginaires et notamment les éléments de dialogue qu'on pouvait entendre dans ces compositions. Et non, mais non, justement, il se trouve que c'est faux. Et donc dans ce qu'on va entendre tout de suite, on a un extrait d'un film qui me semble être, si nos auditeurs ont la réponse, je crois que c'est un extrait de Complot de famille d'Alfred Hitchcock, à confirmer, à vérifier, mais en tout cas c'est l'intérêt de Barry Adamson, c'est qu'on regarde sa télévision et puis d'un coup on se dit tiens, mais ce dialogue, cette ligne de dialogue, je la connais, j'ai déjà écouté sur un disque de Barry Adamson. Thank you. worry about, Mr. Adamson. I promise. I won't breathe a word. Thank you. Voilà, vous venez d'entendre le grand Ennio Morricone, hein, qui ne pouvait pas être absent de cette émission. Si, non, il aurait pu, mais enfin bon, disons que vous connaissez notre amour pour ce grand compositeur. Donc évidemment, voilà, il se retrouve présent. Alors, il s'agissait d'un titre tiré de la bande originale de Du chat à neuf queues. Deuxième collaboration avec Dario Argento après L'oiseau au plumage de cristal. Une des veines un peu plus expérimentales de Ennio Morricone, nous en parlions avec Fabrice. C'est pas ce qui est évidemment le plus connu de lui, mais il se trouve qu'il existe une compilation sur le label de Mike Patton, IPCAC, qui regroupe un petit peu toutes ces expérimentations, essentiellement pour des films policiers ou d'espionnage italien des années 60 et 70. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour rajouter, ayant le CD entre les mains, qu'on voit que les notes de pochette ont été rédigées par John Zorn. Oui, absolument. Et c'est pas du tout innocent, on voit que John Zorn lui a pillé quand même 2-3 choses, notamment les vocaux qu'on entendait. Un peu susurrés comme ça, les râles. Assez fréquents dans les disques de Zorn. Oui, de puis il y a eu The Big Gun Down. The Big Gun Down, bien sûr, qui a été réédité avec des morceaux supplémentaires, qui est un grand disque aussi, mais qui... Oui, bah, tout ça pour dire qu'effectivement, John Zorn est un formidable passeur, quoi. Quelqu'un qui a... Voilà, qui transmet vraiment... L'amour de la musique. L'amour de la musique, et puis pas que de la musique, d'ailleurs. Tout à fait. Et nous allons partir au Japon, maintenant, avec une BO qui nous a beaucoup marqué. Alors, je parle notamment pour Cédric et moi, je peut-être Fabrice aussi d'ailleurs. Il s'agit de la BO de Akira. Le film qui avait aussi été marqué. Ben oui, non mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire là, c'était vraiment total. Hein, image, son. Elle est signée Shoji Yamashimo. Le titre que vous allez entendre, c'est le titre d'introduction du film. Hein, il s'appelle tout simplement Kaneda, comme le héros d'ailleurs. Alors j'attire vraiment l'attention sur cette bande originale qui est très très riche, hein, qui passe de morceaux synthétiques très ambiantes et très oniriques à des orgues un petit peu à la Jean-Sébastien Bach, apocalyptique, un côté aussi très traditionnel japonais, très théâtronaux. Enfin, c'est vraiment une bande originale assez à part. À noter que ce compositeur n'aura pas fait grand-chose, finalement. Je sais qu'il a aussi suivi Katsuhiro Otomo, donc le réalisateur d'Akira, sur Steam Boy et Metropolis. J'avoue que les musiques m'ont moins marqué, je les ai moins en tête. Les films sont moins bons aussi. Les films sont peut-être moins bons. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà Kaneda. We'll be right back. Kinchi Tsuruta, un titre tiré du film Harakiri, bande son de Toru Takemitsu, compositeur, un des compositeurs les plus connus, je pense, dans le monde, qui viennent du Japon. Du Japon, voilà, qui a fait beaucoup de bandes son de films, en plus de son travail de composition. Classique contemporain, on va dire. Voilà. Moi, je crois que j'ai écouté d'ailleurs une émission sur France Culture qui lui était consacrée cet été. Donc, c'est vrai que c'est un compositeur qui maintenant commence à être assez reconnu, même en Europe, quoi. On va enchaîner avec toute autre chose, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale de Virgin Suicide, qu'on a déjà eu l'occasion de vous passer, donc signé par R. Le film de Sofia Coppola qui est sorti en 1999. Alors le groupe Versaillais apparemment s'entend bien avec Sofia Coppola puisqu'ils ont signé deux autres BO de films de la nièce de Francis, hein, Marie-Antoinette et Lost in Translation. Et donc la BO de Virgin Suicide, c'est quand même la plus réussie, je trouve, parce qu'elle a un côté sombre et planant qui contribue vraiment à la réussite artistique du film et à son atmosphère mélancolique. Voici R. Thank you. Cliff Martinez pour la bande originale de Solaris de Steven Soderbergh. Alors Cliff Martinez, un parcours assez particulier, hein, puisqu'il a été un temps batteur des Red Hot Chili Peppers, bon très peu de temps, hein, quand même, je crois que c'est un an ou deux. Et depuis, il s'est intéressé à des instruments très particuliers, pratiqués par très peu de gens d'ailleurs, le cristal bâché notamment, les ondes Martenot, et il crée une musique, voilà, comme ça, toujours très envoûtante, très ambiante, hypnotique, qui collait très bien finalement au film de Soderbergh. Il y aura un autre lien un peu plus tard dans l'émission, justement, avec lui. Et on va maintenant écouter un groupe en provenance de Norvège. Alors c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment un groupe, c'est surtout un homme. C'est sûr, effectivement. C'est exclusivement un homme. Ouais. Enfin, pas exclusivement, mais quasiment, hein, puisqu'il s'agit de Biosphère. Un extrait de la BO qu'il a signé pour le film culte de Dziga Vertov, L'homme à la caméra. Un album qui est sorti en 1996, soit 67 ans après le film avant-gardiste russe. Alors, pour ce travail, Biosphère a collaboré avec un certain Per Martinsen, justement, hein, donc il n'était pas seul, qui, je crois, aussi joue dans un groupe qui s'appelle Mental Overdrive, mais je ne connais pas, en fait. Mmh. Tu connais, toi, Alex? Non. Non. Ouais. Non. Alors, c'est le Festival international du film de Tromsø, qui est la ville de Biosphère, qui a demandé donc à Geir Jensen de réaliser cette soundtrack en utilisant ce qui est assez original, les instructions pour l'accompagnement musical que Dziga Vertov avait rédigé au moment de la création de L'homme à la caméra. On va rester quand même assez proche quand même de l'atmosphère de Cliff Martinez là. Hein. Biosphère. City Wakes Up. Thank you. pas simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5 heures moins le quart et puis de te dire, tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils. Je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis il y a 5 heures moins le quart et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, la machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche et une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, t'arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain, tout le monde s'en fout. Mais devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien à la promotion, il ne faut pas y compter. Ce qui est mieux en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis juste. J'ai 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été premier à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt. En gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. J'ai pas envie de pleurer dans ses boutons. Voici le château de Robert Peugeot, c'est l'ancêtre de la famille. Robert Peugeot, c'est le grand-père de François Peugeot. François Peugeot, qui a été député du Doubs de 1936 à 1945, et qui s'est illustré en votant la confiance à Pétain. Nous sommes à 500 mètres du château de Robert Peugeot. Nous sommes à moins de 2 km du château à Jean-Pierre Peugeot. Et voyez ici dans quel endroit les travailleurs de Peugeot qui ont fait l'archette de la maison Peugeot, puisque comme nous l'avons dit au départ, cette usine qui a commencé au début du siècle dernier avec une dizaine de travailleurs exploite maintenant près de 100 000 salariés répartis dans plus de 70 entreprises. Un tas de choses, je me promène avec un marteau jusqu'à mes concerts. C'est tout ça. T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de. Quand t'as pas parlé pendant 2 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire que les mots. Ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Mais si, il y a des choses. Alors Fabrice, présente-nous un petit peu ce projet. Bah écoute, c'est une formation poitevine qui se nomme Microfilm. Et pour une bonne raison, c'est qu'ils ont déjà 3 albums à leur actif et que les 3 albums sont exclusivement faits à partir de bandes-son, de dialogues, de films ou de documentaires. Donc là, on entendait par exemple un ouvrier de chez Peugeot qui figurait aussi dans le film documentaire de Pierre Card, Attention danger travail. Voilà. Et c'est ça, c'est tiré de leur dernier album qui est sorti en 2009, The Bay of Future Past. Et on reconnaît un peu sur ce morceau-là, c'est un peu moins vrai pour le reste de leur production, l'influence de que je devine, hein, je ne sais pas si c'est exact, mais de Diabolo Gomme quand même. Possible, possible. Alors on va terminer avec Philippe Besombe, je ne sais pas comment il faut le prononcer, un extrait de la musique qu'il a signée pour le film Libra, du groupe Pattern, qui est un collectif de réalisateurs. Alors dans ce projet, il a trouvé un bon mix entre les musiciens rock qui ont participé au projet, et les traitements électroniques et électroacoustiques. Il faut savoir qu'en 1973, ce genre de mix était très très rare, hein, donc c'est vraiment un des premiers à avoir fait ça. Libra en plus est un long métrage qui est censé être muet. Bon, je ne l'ai pas vu, j'ai très peu trouvé d'informations sur ce film. Mais bon, si j'ai bien compris, donc le film était censé être ou est censé être sans dialogue, donc en fait la soundtrack de Besombe est censée durer tout le film, c'est-à-dire 90 minutes. Donc voici un extrait de 1 minute 54. Rugby. Ben, salut à tous, on se laisse ouais, là-dessus et on se retrouve ouais, la semaine prochaine. Salut à tous. I'm a sentimental song. n'est pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Magnifique.